L'Exode, la sortie d'Égypte. En Égypte, les Hébreux sont réduits en esclavage et souffrent de la misère. Mais Dieu ne les abandonne pas, et sous la conduite de Moïse, il les fait sortir d'Égypte. C'est cette sortie que raconte le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Ce nom signifie sortie. Un bébé au fil de l'eau. Pendant longtemps, les descendants des 12 fils de Jacob Israël vivent en paix en Égypte. Mais un nouveau pharaon monte sur le trône. « Ces Hébreux sont trop nombreux, pense-t-il. Qu'ils deviennent nos esclaves !» Mais cela ne suffit pas à Pharaon, et il ordonne ensuite « Comptu tous les garçons hébreux dès leur naissance !» Une des jeunes femmes du peuple hébreu accouche d'un garçon. Elle refuse de le laisser mourir. Elle a alors une idée. « Je vais fabriquer une corbeille, y déposer mon enfant et le cacher au bord du Nil. » La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit le bébé. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un petit Hébreu ». La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice pour allaiter le bébé ?» La fille de Pharaon lui répondit « Va !» La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci « Emmène ce bébé et nourris-le. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors, la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsqu'il eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant « Je l'ai tiré des eaux ». Le buisson ardent. Moïse, devenu un homme, visite les chantiers où les Hébreux, ses frères, sont esclaves. Et lorsqu'un Égyptien frappe un Hébreu sous ses yeux, Moïse le tue pour venger son peuple. « Mais si Pharaon l'apprend, se demande Moïse, que fera-t-il de moi ?» Alors, pris de peur, il s'enfuit dans le désert. Il s'y installe et se marie avec Sippora, la fille d'un nomade. Un jour, en emmenant un troupeau au-delà du désert, il arrive à la montagne de l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse ! Moïse !» Il dit « Me voici !» Dieu dit alors « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales. » car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le nom mystérieux de Dieu. Le Seigneur ajoute « J'ai vu. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu. » pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Puis il dit encore à Moïse, « Je t'envoie chez Pharaon. C'est toi qui feras sortir mon peuple de ce pays. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. » L'obstination de Pharaon. Moïse, accompagné de son frère Aaron, va voir Pharaon et il lui déclare Notre Dieu a dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. » Pharaon refuse tout net. Moïse et Aaron changent alors un bâton en serpent. Mais Pharaon hausse les épaules. Et bientôt, 10 catastrophes s'abattent sur l'Égypte. L'eau du Nil devient du sang. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Des milliers de grenouilles envahissent le pays. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Puis viennent des nuages de moustiques. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Puis encore une invasion de taons, ces insectes qui sucent le sang. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Tous les troupeaux meurent brutalement. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Les Égyptiens eux-mêmes tombent malades. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Puis une grêle violente qui détruit toutes les cultures s'abat sur l'Égypte, sauf sur la région où habitent les Hébreux. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Il ne reste alors plus grand-chose de l'Égypte, et une énorme invasion de sauterelles achève de tout détruire. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Pendant 3 jours entiers, le soleil se cache. Tout le pays est plongé dans l'obscurité, sauf la région des Hébreux. Mais le cœur de Pharaon reste dur. Enfin, Moïse prévient Pharaon d'une chose terrible. « Si tu ne nous laisses pas partir, tous les fils aînés des Égyptiens vont mourir d'une épidémie, même le tien. » Mais le cœur de Pharaon reste dur. La fête de la Pâque. Dieu va accomplir sa menace, mais il veut protéger son peuple. Au début du printemps, il dit à Moïse et à Aaron, « Ce mois deviendra pour vous le premier mois de l'année. Le 10e jour de ce mois, chaque famille choisira un agneau. Le 14e jour, à la tombée de la nuit, l'animal sera égorgé. Vous prendrez son sang et vous en mettrez au-dessus de chaque porte. Cette même nuit, vous mangerez l'agneau rôti avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez debout, prêts à partir, avec vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main. Vous mangerez très vite. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je vais traverser l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés, hommes et bêtes. Mais quand je verrai le sang sur vos maisons, je passerai et vous ne serez pas atteints. En souvenir de ce jour, vous célébrerez chaque année cette fête de la Pâque. Vous observerez cet ordre comme une loi perpétuelle pour vous et vos fils. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera selon sa promesse, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. » La sortie d'Égypte. Tout se passe alors comme Moïse l'a annoncé. Au milieu de la nuit, tous les fils aînés des Égyptiens meurent brutalement. Le fils de Pharaon aussi. Alors, enfin, Pharaon cède. Il dit à Moïse et à Aaron, « Partez, quittez mon pays !» Et tout le peuple hébreu s'enfuit vers le désert. Mais voilà que Pharaon change brusquement d'avis et se lance à leur poursuite avec son armée, ses 600 chars et ses meilleurs soldats. Les Hébreux, qui campent au bord de la mer des Roseaux, voient tout à coup arriver derrière eux cette armée puissante et sont pris de panique. Impossible de fuir, ils sont coincés entre la mer et les soldats. Ils crient vers Dieu contre Moïse. « Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, nous aurions dû rester en Égypte !» Moïse leur répond « Ayez confiance en Dieu, il ne nous abandonnera pas !» Et toute la nuit, Dieu veille sur eux. Le Seigneur dit à Moïse « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton. » Étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Alors Moïse étend la main sur la mer, et elle s'ouvre en deux. Les Israélites avancent à pied sec au milieu de la mer. Les eaux forment une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens se précipitent à leur tour au milieu de la mer. Dieu bloque les roues de leurs chars. Alors ils se disent « Fuyons, car Dieu est contre nous !» Puis le Seigneur dit à Moïse « Étends la main sur la mer et que les eaux reprennent leur place. » Toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers disparaissent au fond de l'eau et le peuple d'Israël arrive sain et sauf de l'autre côté de la mer. « Dieu nous a sauvés !» s'exclame-t-il. Tous croient en lui, et dans leur joie, ils se mettent à chanter pour le remercier. « Louez le Seigneur ! Il a jeté à l'eau cheval et cavalier !»